Enseigner vous attire ? En France, il manque des enseignants, surtout dans les quartiers prioritaires. Conséquence, ce sont les élèves les moins favorisés qui ont le plus de risques de ne pas avoir de professeur. En matière d'égalité des chances, c'est une catastrophe. Enseigner vous attire ? L'association Le Choix de l'École vous forme pendant vos deux premières années comme enseignant en quartier prioritaire. Rendez-vous sur lechoixdelecole.org. Une étoile de bonne taille, mettons, allez, plus de 10 fois la masse solaire, mais pas trop grosse non plus. Cette étoile, en fin de vie, une fois qu'elle a consommé tout son hydrogène et son hélium, que se passe-t-il ? Eh bien, elle s'effondre sous le poids de sa propre gravité. Les forces gravitationnelles en son centre sont si puissantes que les noyaux atomiques absorbent leurs électrons et produisent massivement des neutrons. Et lorsque ces étoiles à neutrons hyper denses avec des champs magnétiques extrêmement forts tournent sur elles à très grande vitesse et émettent se faisant un signal régulier, eh bien on les appelle des pulsars. Étoiles à neutrons, la mort leur va si bien, c'est le programme Pulsé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à ces astres qui défient, comme vous allez entendre à bien des égards, les lois et les règles de la physique traditionnelle, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Michaela Hertel, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, chercheuse CNRS au laboratoire Univers et Théorie, le LUT, à l'Observatoire de Paris. Et Ismaël Cognard, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche CNRS en radioastronomie au laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace de l'Université d'Orléans et responsable scientifique du radiotélescope de Nancy. Mais avant cela, on commence par celle qui émet des signaux quotidiens et très réguliers d'actualité scientifique à 16h, en général 2. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec cette étude parue hier dans la revue PNS. Les rats peuvent estimer avec précision la durée de leurs actions. Une équipe du CNRS a voulu savoir si le rat est capable de juger sa propre production temporelle et ses erreurs. Alors nous, les humains, nous sommes capables de le faire. Par exemple, quand vous jouez au piano, Nicolas, et que vous appuyez sur une touche, vous êtes capable de vous corriger d'un essai à l'autre et de vous dire « là, j'étais trop long » ou « là, trop court ». Être capable de juger ce que l'on fait soi-même, ça suppose une capacité métacognitive. Alors pour rendre compte de cette capacité chez les rats, les chercheurs ont mis en place une expérience. Dans un premier temps, ils ont appris à des rongeurs à produire une durée. Le rat devait appuyer sur un levier avec sa patte pendant 3,2 secondes. S'il appuyait trop court, il n'avait pas de récompense. Mais s'il appuyait pendant au moins 3,2 secondes, il obtenait une friandise. Valérie Doyère est chercheuse CNRS à l'Institut des neurosciences de Paris-Saclay et la co-signatrice de cette étude. Elle nous raconte la suite du protocole. On va aller pour chaque animal voir à quel point il est précis en fait dans sa production de durée. Et on va pouvoir ajuster et dire bon ben si l'animal est très très précis, très proche de 3,2 secondes, on va le récompenser à gauche par exemple, mais s'il est moins précis, on va le récompenser à droite. Et en revanche, s'il a produit quelque chose de très précis mais qu'il est allé à droite, il n'aura rien. Et s'il n'était pas précis et qu'il est allé à gauche, il n'aura rien. Donc en fait, on va lui apprendre, on va lui associer en fait sa propre précision dans ce qu'il vient de produire avec un lieu, en fait, un endroit dans la cage où il va avoir sa récompense. Et mais ce qui est important, c'est en fait le moment test, c'est quand on va lui donner le choix entre les deux. Et on va voir qu'il aura effectivement bien compris et associé sa propre précision avec l'endroit parce qu'il va bien choisir l'endroit où aller en fonction de sa propre précision. Quand on le met en mode de test, ben en fait, c'est lui qui nous dit s'il a effectivement bien jugé de sa propre précision parce qu'il va choisir correctement l'endroit où il va recevoir la récompense. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont capables de juger le temps qui passe, ils sont capables de faire des discriminations entre des durées, ils sont capables de produire une durée Hein, c'est l'exemple que je donnais. Ça, on savait. On ne sait pas quels sont les mécanismes neuronaux au niveau du cerveau qui permettent de faire cela. La suite, c'est d'arriver justement à essayer d'aller au niveau neuronal, au niveau du cerveau, essayer de comprendre et de savoir si, par exemple, est-ce que c'est les mêmes structures nerveuses qui vont être responsables, en fait, de cette production temporelle et être responsables du jugement de la précision. Donc, c'est là où on va pouvoir creuser. Et comme c'est une activité cognitive qu'on retrouve chez le rat et qui a l'air d'être similaire à celle qu'on a chez l'homme, ça peut nous aider du coup à nous renseigner sur ce qui se passe chez l'homme, puisqu'on a des outils scientifiques d'études chez l'animal qui nous permettent d'aller bien dans les précisions, même aussi au niveau cellulaire, ce qu'on ne peut pas forcément faire chez l'homme. Voilà, et on vient de vous mettre comme chaque jour le lien, en l'occurrence vers le site du CEA qui explicite cette étude, ainsi que bien pour toutes les autres études. Ce sera comme toujours sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. Une étude parue dans Nature Communications vient de dater à partir de quand l'élévation du niveau des mers a commencé à s'accélérer. Des chercheurs américains ont analysé une base de données qui couvre ces 2000 dernières années. Il se trouve que pendant 1700 ans, le niveau global de la mer fluctuait très peu, entre une baisse de 0,3 mm et une augmentation de 0,2 mm. Mais à partir de 1863, ce niveau a commencé à largement dépasser la variabilité naturelle. En 1863, cela correspond à l'intensification de l'ère industrielle et au réchauffement des océans et de la fonte des glaciers. Puis de 1940 à 2000, le niveau mondial de la mer révèle une élévation sans précédent, avec environ 1,4 mm par an. Selon les auteurs, on peut s'attendre à une accélération rapide de ce niveau au cours de ce siècle. Une autre étude parue cette fois dans Nature Biotechnology hier décrit une nouvelle méthode pour créer des produits chimiques de façon durable. L'acétone ou l'isopropanol sont des produits chimiques largement utilisés dans l'industrie, pour la peinture, les tissus, les carburants ou les solvants. Mais ils sont produits à partir de ressources fossiles et ils entraînent des émissions de gaz à effet de serre. Pour en produire de façon durable, ces chercheurs américains ont eu l'idée d'utiliser le processus de fermentation des bactéries. Ils ont d'abord modifié génétiquement une bactérie, et comme la levure qui mange du sucre pour fabriquer de l'alcool, cette bactérie mange du CO2 atmosphérique et le recycle pour fabriquer ses substances. Des expériences ont montré que le procédé était rentable avec un bilan carbone négatif. Selon les auteurs, ce bioprocédé pourrait être adapté à une large gamme de produits chimiques. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Scientific Reports, nous avons découvert les plus anciennes traces d'intervention chirurgicale de l'histoire. Dans le dolmen del Pendón, en Espagne, les archéologues ont découvert le crâne d'une femme vieux de 5300 ans. Un crâne qui porte des marques de coupe de l'os mastoïde, les petits os derrière l'oreille, à droite et à gauche. Alors selon les auteurs, il s'agit de la première opération chirurgicale connue de l'histoire de l'humanité. Cette femme a probablement été opérée à la suite d'une otite, bien qu'on ne sache pas avec quel type d'outil l'os a été coupé. Mais le crâne présente également des preuves de régénération osseuse, ce qui signifie que cette femme préhistorique a survécu à l'opération. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Il y a donc plusieurs scénarios de mort d'étoiles. Pour les plus petites, comme notre Soleil, la fin est assez paisible, l'enveloppe gazeuse se dissout en une nébuleuse planétaire et le cœur forme un résidu compact qu'on appelle une naine blanche. Pour les énormes étoiles au-delà de 40 fois la masse de notre Soleil, c'est une sorte d'apocalypse cosmologique avec une explosion en hypernova et la création d'un trou noir suite à l'effondrement gravitationnel de l'étoile. Et entre les deux, eh bien, c'est assez agité également. D'abord une supernova de laquelle résulte une minuscule étoile extrêmement dense qui tourne très vite sur elle-même, une étoile à neutrons que l'on peut également appeler, selon les situations, pulsar ou magnétar. Ces étoiles sont très denses, très petites, très peu lumineuses, mais émettent des pulsations radio ou magnétiques régulières qui nous permettent de les détecter. Et autre particularité, leur densité extrême fait qu'à leur surface et en leur cœur, il faut avoir recours à la physique quantique pour comprendre les mécanismes à l'œuvre. Nous parlons donc aujourd'hui de ces étoiles à neutrons avec Michaela Hertel et Ismaël Cognard. Peut-être la première question, c'est quand est-ce qu'on commence à mettre le doigt, ou en tout cas à avoir l'idée de l'existence de ces astres si particuliers, Michaela Hertel? Alors, en fait, pendant assez longtemps, on a pensé que c'était le physicien soviétique Landau, un peu suite à la découverte du neutron par Chadwick, je pense en 1932, qui a émis pour la première fois l'idée d'une étoile à neutrons. Mais en fait, si on regarde un peu plus en détail la publication, Landau, il avait effectivement pensé à une étoile dont le cœur a la densité d'un noyau atomique, il y a beaucoup de neutrons, mais il avait pensé ça plus comme source d'énergie. Il faut savoir, à l'époque, on n'avait pas encore l'idée de la nucléosynthèse stellaire comme source d'énergie dans les étoiles en séquence principale. Et c'est en fait Bad et Tsuki, deux astronomes américains, 2 ans plus tard, qui ont pour la première fois évoqué cette idée d'étoiles à neutrons, et ils ont eux aussi fait le lien entre les supernovas, donc les explosions qu'on connaissait avec des observations depuis, depuis l'aube des temps, quasiment. 2000 ans ou plus. C'est ça. Et ces objets à l'époque complètement hypothétiques, qui sont les étoiles à neutrons. Et les premiers modèles théoriques de ces étoiles-là, ça date un peu plus tard, c'est vers la fin des années 1930. C'est Tolman, Oppenheimer et Volkoff qui ont fait le calcul en relativité générale. Ils ont fait un équilibre hydrostatique et ils ont obtenu donc effectivement des étoiles avec un rayon d'environ 10 km. Et une masse comparable à celle du Soleil. Et ce qui est passionnant avec les étoiles à neutrons, c'est que comme d'autres objets astrophysiques, les étoiles à neutrons sont d'abord des modèles théoriques, et bien longtemps finalement, avant de pouvoir être observés, puisque comme vous venez de le dire, en 1939 avec Oppenheimer et Volkoff, eh bien, il y a ces premiers modèles, mais bon, finalement on finit par s'en désintéresser, puis les étoiles à neutrons disparaissent complètement du panorama pendant quasiment 30 ans. Oui, tout à fait. Il faut attendre la fin des années 60. Et en fait, c'est un programme qui était essentiellement dirigé au départ sur étudier des quasars, regarder comment ils scintillaient en radio, parce que en radio, il y a de la scintillation comme les étoiles optiques dans le ciel le soir. Et en fait, ces études nécessitaient des instruments qui étaient capables de numériser le signal rapidement. Et c'est comme ça que il y a des axes sur lesquels il y avait du papier qui tournait, une petite plume, et la petite plume pouvait bouger longtemps. Et une étudiante, Jocelyn Bell, en fin 67, a découvert des écarts de la plume très réguliers, typiquement de la seconde. Et la découverte a été publiée début 68. Et c'est amusant parce que donc ce que Jocelyn Bell découvre avec Anthony Jewish, c'est un signal extrêmement régulier et qui est tellement régulier et ça semble tellement étrange que quel nom est-ce qu'on va donner à ce signal? C'est amusant, Michael Hertel. Donc au début, ils ont même évoqué la possibilité d'une source extraterrestre. Donc parle un peu des Little Green Men, mais ils ont compris assez vite que c'était pas ça. les premières sources s'appelaient LGM1, LGM2 pour Little Green Man. Et donc on se rend bien vite compte que néanmoins c'est intéressant parce que c'était l'extrême régularité où on s'imaginait qu'en fait ce signal avait été manufacturé ou que c'était un signal constant qui était envoyé par quelqu'un. On s'est rendu compte évidemment a posteriori que ça n'était pas ça. Et puis la confirmation, en tout cas une autre forme de confirmation par un autre signal, Michael Hertel, c'est en 87 avec la supernova. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors la supernova 1987A, donc qui a eu lieu dans le grand nuage de Magellan, on a en fait détecté 24 neutrinos. Et bon, vu les neutrinos, ce sont des particules donc extrêmement difficiles à détecter parce qu'ils interagissent que très très faiblement avec la matière. Et vu la distance avec l'objet et le fait que donc la supernova elle émet un peu dans toutes les directions, c'est détecter 24 neutrinos, ça montrait qu'il y avait une quantité énorme de neutrinos produits lors de la supernova. Et ça confirme, en fait, cette théorie que pendant la supernova, on a un passage d'une matière qui contient à peu près autant de neutrons que de protons vers, comme vous avez dit au début, une matière où il y a beaucoup de protons qui capturent des électrons et qui se transforment en neutrons en produisant en même temps un neutrino. Et ça, c'est le mécanisme que l'on va voir. Donc, on passe finalement de 34 à 87 en un peu plus de 50 ans à un objet strictement théorique. Et aujourd'hui, on a combien de sources d'étoiles à neutrons, combien on a pu en identifier? Alors là, en termes de proportion, je vous demande pas à l'unité près, Ismaël Cogner. La majeure partie des étoiles à neutrons sont visibles en radio sous forme de pulsars. Et là, c'est plusieurs milliers. On est à plus de 3500 objets radio. On va continuer à parler de ces étoiles à neutrons. Vous allez voir que ce sont des astres assez fascinants, à mi-chemin entre la naine blanche et le trou noir. Parfois, certaines étoiles à neutrons peuvent devenir des trous noirs. Ils peuvent fusionner, produire des ondes gravitationnelles. En tout cas, c'est de l'astrophysique absolument passionnante. Ça tombe bien, c'est notre sujet du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 4h15, nous parlons donc d'étoiles à neutrons en compagnie de Michaela Hertel et d'Ismaël Cognard. Alors, simplement, on a entendu des choses, étoiles à neutrons, etc. Si on repart du point de départ, comment se forme une étoile à neutrons, la vie d'une étoile, pourquoi est-ce qu'elle se transforme en étoile à neutrons? On peut y aller pas à pas. Michaela Hertel, je vous laisse commencer. Alors, la vie d'une étoile, ça commence, donc, on a parlé de nucléosynthèse stellaire, c'est-à-dire la source d'énergie au sein d'une étoile qui fait que l'étoile peut contrebalancer la gravitation, c'est qu'il brûle un combustible nucléaire dans son cœur. Pour notre Soleil, c'est de l'hydrogène qui est brûlé en hélium. Dans les étoiles plus massives, après, on peut passer aussi de l'hélium en carbone, etc. Et comme ça, dans les étoiles encore plus massives, on peut aller jusqu'au fer. Pourquoi on peut pas aller jusqu'au-delà du fer? Ça, c'est parce que le fer, c'est en fait le groupe de fer, disons. C'est en fait le noyau avec l'énergie de liaison par particule la plus basse. Ça veut dire on peut gagner de l'énergie en fusionnant des noyaux, en allant jusqu'au fer, et au-delà du fer, il faut de la fission pour gagner de l'énergie. Et donc, cette source d'énergie de nucléosynthèse à l'intérieur des étoiles s'arrête. Mmh. Et ça veut dire, les étoiles, à un moment, ils ont brûlé tout le combustible. Et donc, comme il n'y a plus de source d'énergie, la gravitation commence à gagner. Et donc, le cœur de l'étoile commence à s'effondrer sur lui-même. Mmh. Et après, une fois que le cœur s'est effondré et arrive pour une étoile à neutrons, à peu près aux densités qu'on a au sein d'un noyau d'atomes, en fait, c'est l'interaction nucléaire qui servit ensuite de force pour contrebalancer la gravitation. Et c'est à ce moment-là, oui, qu'on déclenche la supernova, qu'il y a formation d'ondes de choc et la matière qui part après dans l'espace. Et le cœur, ça commence, ça se refroidit, compactifie encore un peu. Mais c'est ça qui devient après l'étoile à neutrons, où c'est l'interaction nucléaire, la force nucléaire qui est là pour contrebalancer la gravitation. Ismaël Cognard, je vous laisse compléter ou prolonger. Effectivement, donc la supernova, ça éjecte toutes les couches supérieures de l'étoile. On se retrouve avec ce noyau extrêmement dense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, à un moment donné, la gravitation va pousser à cette extrême densité? Puisque, comme je le disais, on arrive à un niveau de densité où les protons vont fusionner avec des électrons. Oui, on se retrouve avec une étoile uniquement constituée de neutrons. Ce qui va être intéressant, c'est que il va y avoir un champ magnétique qui va être gardé, et ce champ magnétique va créer des faisceaux, et c'est comme ça que l'étoile va être détectée. Il est pratiquement impossible. Enfin, si, peut-être, il me semble que Hubble a fait une image d'une étoile à neutrons comme ça, toute seule, juste par la lumière qu'elle émet parce qu'elle est encore un peu chaude. Mais sinon, il faut ce champ magnétique qui émette des faisceaux pour qu'on voit l'objet en radio. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, Michaela Hertel, à une étoile à neutrons, c'est quasiment comparable à un unique noyau atomique géant, en quelque sorte. Oui. Parce que ce sont vraiment les interactions atomiques qui vont pousser à condenser cette gravité. C'est-à-dire que si on donne par exemple des ordres de grandeur, une étoile à neutrons, c'est donc extrêmement petit. Alors là, on avait dit, le rayon, c'est à peu près 10 km, avec une masse qui est comparable à celle du Soleil. Aujourd'hui, les étoiles à neutrons qu'on a observées, c'est entre 1,15 fois la masse du Soleil jusqu'à un peu plus de deux masses solaires. Et si on fait le calcul, donc ça donne une densité de 10 à la puissance grammes par centimètre cube en ordre de grandeur, ce qui correspond effectivement à la densité au sein des noyaux atomiques. Mais en fait, c'est pour la structure interne, c'est pas vraiment un noyau atomique, ça a quand même la structure d'une étoile avec une, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, une croûte et un cœur. Alors justement, quel est, parce que c'est intéressant, plus on rentre à l'intérieur, finalement, plus on émet des hypothèses, hein, puisqu'on n'a jamais pu aller voir à l'intérieur du cœur d'une étoile à neutrons, mais on a quand même des modèles physiques, et notamment des modèles de physique quantique qui nous aident. Comment on passe finalement de la surface, donc la gravité est extrêmement, extrêmement forte sur la surface, sur la croûte, et puis comment, quelles sont les différentes couches, entre guillemets, que l'on connaît ou que l'on imagine à l'intérieur du cœur d'une étoile à neutrons? Alors, le modèle standard qu'on a aujourd'hui de l'intérieur d'une étoile à neutrons, c'est qu'à la surface, on a donc une croûte qui est composée essentiellement donc de noyaux. Dans la croûte externe, ce sont des noyaux, on commence par des noyaux autour de fer, et après, en augmentant la densité, c'est-à-dire en allant de la surface vers l'intérieur, les noyaux deviennent de plus en plus riches en neutrons. Et à la limite, donc on a à la limite entre ce qu'on appelle la croûte externe et la croûte interne, ces noyaux-là, ils ont tellement de neutrons qu'ils ne peuvent plus lier les neutrons au sein de ces noyaux-là. Donc, dans la croûte interne, on n'a pas seulement ce réseau un peu cristallin de noyaux, mais on a aussi un gaz de neutrons qui est un peu entre ces noyaux. Et évidemment, un gaz d'électrons pour avoir une charge totale zéro. Oui. Et après, entre la croûte et le cœur, la matière devient après tellement dense que ces noyaux commencent à se déformer. Et à un moment, entre la croûte et le cœur, la matière devient homogène. Et on commence avec une partie où on a matière homogène de neutrons, protons, électrons. Avec, c'est étoile à neutrons, il y a quand même très très majoritairement de neutrons. Globalement, c'est 90% de neutrons et 10% de protons seulement. Et si on augmente encore la densité et on va vers le cœur des étoiles les plus massives, il y a beaucoup de modèles, mais on n'a pas vraiment de certitude sur ce qui se passe à l'intérieur. Ça peut être des particules comme des hyperons qu'on a vu dans des accélérateurs terrestres donc qui apparaissent. Donc c'est des particules très exotiques. Oui, qu'on n'a pas dans la vie quotidienne, mais qu'on a pu produire dans des accélérateurs sur Terre. Ou ça peut être des hyperons, des kaons ou des pions, ça c'est des noms de particules. Ce sont des hadrons, mais avec une composition en quark qui est différente de la matière baryonique que l'on connaît. Exactement. Pour dire ça rapidement. Oui. Exactement. On parle de l'intérieur de pâte nucléaire. Qu'est-ce que c'est que ces pâtes nucléaires? Comment est-ce qu'on le définirait, ça? Alors, les pâtes nucléaires, ça c'est un peu dans la zone entre la croûte et le cœur, où les noyaux commencent à se déformer. Et selon la déformation, on peut avoir aussi des structures avec des longs tubes ou des couches. Plats, des couches un peu, comme des spaghettis ou des lasagnes, c'est pour ça des pâtes. Des pâtes de noyaux. Oui, parce que alors on pourrait aussi, et puis on joue toujours évidemment, comme d'habitude, avec des objets extrêmement denses, mais évidemment, comme la gravité est très dense, il y a des effets relativistes sur le temps qui font que le temps ne s'écoule pas tout à fait de la même façon. Si on mettait un astronome si on pouvait mettre un astronaute à la surface d'une étoile à neutrons, je crois qu'il y aurait une différence de passage. Il vieillirait que de 10 mois pour un an passé sur Terre. Enfin bref, il y a des effets relativistes sur le passage du temps. Oui, tout à fait. La gravité est énorme. Alors en plus, il vieillirait pas à la même vitesse, mais il serait surtout bien aplati. C'est ça, il serait très spaghettifié, et puis le temps passerait plus de la même vitesse entre sa tête et ses pieds. Voilà, mais comme il ne pourra jamais y aller, ça, ce sont évidemment des expériences de pensée. D'autres choses. Aujourd'hui, alors quels sont Ismaël Collière, les moyens que nous avons? Donc on peut les percevoir par des ondes radio. Vous avez dit Hubble a réussi à les voir une fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que Donc plus les étoiles à neutrons vieillissent, plus leur rotation ralentit et plus petit à petit, en fait, elles s'éteignent. C'est ça. Voilà. On a presque un exemple avec la nébuleuse du crabe, hein, dont les Chinois ont observé l'explosion qui a donné ce qu'on appelle maintenant le pulsar du crabe. On pense qu'une étoile à neutrons, au départ, c'est quelques dizaines de tours par seconde. Et très rapidement, parce que cette étoile a généralement un champ magnétique important, ça freine rapidement. Et en quelques dizaines ou centaines de millions d'années, on atteint des périodes de la seconde ou plusieurs secondes, et après, il n'y a plus assez, quelque part, d'énergie dans le système pour que les ondes radio soient émises, et le pulsar s'éteint. Donc un pulsar, en radio, c'est quelque chose d'assez éphémère. Mais éphémère à l'échelle cosmologique, c'est-à-dire sur combien de... Voilà, quelques dizaines, quelques centaines de millions d'années. Oui. Mais il y a des cas de figure où le pulsar n'est pas tout seul, et l'explosion ne s'est pas trop mal passée, l'explosion n'a pas été trop asymétrique, par exemple, c'était une belle explosion, bien symétrique, et l'étoile à neutrons a gardé son compagnon. Étoile qui est forcément moins massive parce qu'elle a évolué moins vite, et il y a un moment où vous avez ce pulsar éteint depuis peut-être des milliards d'années, l'étoile compagnon arrive au moment où elle commence à manquer d'hydrogène, et elle enfle, hein, comme le cœur commence à se contracter un peu. Et cette matière qui les enveloppe, l'enveloppe externe qui enfle, va pouvoir se déverser sur le pulsar éteint, et en fait le réaccélérer par transfert d'énergie. Comme la patineuse qui ramène ses bras, ça réaccélère. Et ça réaccélère tellement qu'on parvient à rallumer les phénomènes d'émission radio. Et vous avez là un pulsar recyclé, ou pulsar milliseconde, qui tourne même beaucoup plus rapidement que ce qu'il avait à sa naissance tout au départ. Ça, c'est dans les systèmes binaires. Il faut un système binaire. La majorité des étoiles sont en système binaire. Ouais. Le souci, c'est de ne pas casser le système binaire au moment de l'explosion qui a donné naissance au pulsar, à l'étoile à neutrons. Aujourd'hui, pour qu'on soit clair sur la taxonomie, Michael Hertel, tous les pulsars, toutes les étoiles à neutrons sont des pulsars et inversement ? C'est une question compliquée, mais a priori en tout cas. En tout cas, un peu peut-être Je pense que si on voit un pulsar, c'est qu'il y a une étoile à neutrons. Oui, d'accord. Dans ce sens-là, c'est sûr. Ouais, la question, c'est dans l'autre sens. Non, je pense qu'on peut-être imaginer qu'une étoile à neutrons a d'entrée de jeu un champ magnétique pas suffisant pour qu'il y ait émission radio. Et évidemment, il y a aussi les pulsars dont on ne peut pas voir le signal, mais qui sont des étoiles à neutrons quand même. Voilà, tout à fait. Au bord de la plage, on voit bien le phare. Oui, c'est ça. Un tour. Ouais. Mais si vous êtes en altitude ou si vous, sous le sol, évidemment. Mais voilà, on n'est pas dans l'axe. On pense qu'on manque quasiment 3 pulsars sur 4. Bien sûr, parce que les pulsars, il faut savoir que ce sont des champs très directionnels et qu'il faut être vraiment dans le champ d'émission du pulsar. Le faisceau est très fin et il faut être là où il faut. Question, Michael Hertel, comment est-ce qu'on explique en termes de physique justement l'accélération et la production de ces ondes radio au moment justement de l'effondrement gravitationnel du cœur de l'étoile. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'accélération s'emballe et va à ce niveau-là de rotation et de tours par seconde qui vont finir par créer les pulsars ? Alors, l'accélération, ça c'est au moment de la supernova, ça c'est en fait les périodes de rotation au moment de la naissance. Ça c'est un processus assez compliqué d'interaction avec le matériel éjecté et aussi le cœur qui reste. Et c'est pas encore à ce moment-là qu'on peut avoir le signal pulsé. Ça, c'est ensuite dans le... Donc, il y a le champ magnétique qui est formé. Et ça, c'est des processus d'accélération, dans ce qu'on appelle donc, la magnétosphère de l'étoile qui accélère, en fait, les particules pour produire ce signal. Ismaël Cognard, vous voulez rajouter un mot ? Non. On va continuer à parler de ces étoiles à neutrons. Vous allez voir donc de ces pulsars. On va essayer de comprendre comment on a appris à mieux les connaître, comment ils fonctionnent l'un vis-à-vis de l'autre. Vous allez voir qu'ils n'émettent pas que des signaux radio. Ils peuvent émettre d'autres types d'ondes, y compris des ondes gravitationnelles. Restez avec nous, ce sera juste après ça. Da-da. I've told every little star de Linda Scott à 16h30 sur France Culture. Nous parlons en effet de toutes petites étoiles, ou plus exactement d'étoiles, dans un deuxième moment de leur vie après qu'elles ont brûlé l'intégralité de leur carburant. Eh bien, il reste quoi ? Il reste des étoiles à neutrons, également appelées pulsars ou magnétars. On va en parler dans un instant. Nous en parlons avec Michaela Hertel, qui est astrophysicienne, chercheuse CNRS au laboratoire Univers et Théorie à l'Observatoire de Paris, et Ismaël Cognard, qui est directeur de recherche CNRS en radioastronomie au laboratoire de physique et de chimie de l'environnement et de l'espace de l'Université d'Orléans, également responsable scientifique du radiotélescope de Nancy. Alors Ismaël Cognard, peut-être qu'on peut parler de ce champ magnétique extrêmement puissant. Ça va devenir intéressant parce que c'est à la fois lui qui finit par orienter les signaux radio qui sont expulsés le long, perpendiculairement, parallèlement d'ailleurs à l'axe magnétique. Et puis c'est ce qui va également donner ce qu'on appelle des magnétars. Comment ils sont créés ? Parce qu'on comprend bien la dynamo magnétique, par exemple, qu'il peut y avoir autour d'une étoile vivante ou dans le cœur en fusion d'une planète, mais quel est le champ magnétique ? Comment il est créé dans une étoile à neutrons ? Ah, ça je suis pas spécialiste de ça, je pourrais pas vous répondre, mais le champ magnétique est important au départ, oui. Michaël Hertel ? Oui, un peu pareil. C'était pendant assez longtemps, parce que dans les simulations un peu de supernova, c'est assez difficile d'inclure complètement le champ magnétique. Donc, on n'avait pas vraiment de très bonne explication comment créer le champ magnétique d'un pulsar normal. Oui, on arrivait à expliquer ça, mais pour les magnétars, c'était assez difficile. Justement, alors, les magnétars, quelle est la différence entre un pulsar et un magnétar ? Expliquez-nous en quelques mots. Alors, le magnétar, l'émission est essentiellement... Donc, dans un pulsar, l'énergie qui est émise, qu'on observe, ça vient d'un ralentissement du... Donc il ralentit, en gros il perd donc son énergie cinétique, et c'est cette énergie qui est transformée dans l'émission qu'on observe. Par contre, dans un magnétar, on pense que c'est plutôt des processus du champ magnétique qui sont responsables de l'énergie qui est ensuite émise dans le rayonnement qu'on observe. Ismaël Cognard, sur cette distinction entre les deux, parce qu'on parle quand même d'objets qui émettent des signaux vraiment, vraiment différents. C'est ça, le magnétar va avoir un champ magnétique qui est typiquement 1000 fois plus important que le pulsar. Le pulsar va avoir de l'émission radio relativement régulière. Quand on en a découvert un, on peut être sûr que si on revient le voir 10 ans, 15 ans après, il est toujours là. S'il est toujours là. Normalement, il est toujours là. On a rarement vu disparaître un pulsar. Par contre, le magnétar en radio, parce que on voit qu'une fraction des magnétars en radio, sinon on les voit en X, en gamma, enfin plein d'autres longueurs d'onde. Mais en radio, l'émission est très sporadique, quoi. On peut le voir pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et puis après plus rien pendant des années, et puis ça se rallume. Donc il y a bien la trace de quelque chose qui se passe dans la magnétosphère de l'étoile. Enfin, imaginons un peu notre Soleil où il y a des sursauts, quelque chose qui pourrait un peu ressembler à ça. Et ça se rallume pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire parce qu'à un moment donné, sur des couples d'étoiles binaires, à un moment donné, il y a... Même interne, c'est des objets qui sont encore assez jeunes, et il y a probablement encore croûte intérieure liquide qui joue là, et vous avez des craquements de surface qui vont se repropager jusqu'à dans la magnétosphère, et qui vont faire que ça se met à déborder d'ondes radio tout là-haut. Michael Hertel, vous voulez rajouter quelque chose sur ces magnétars qui ont un cycle de vie finalement relativement différent des pulsars et de leur régularité implacable? Oui, je dirais ces cycles de vie, on peut les après c'est défini par le temps pendant lesquels on peut les observer. Oui, comme c'est des processus des mécanismes d'émission assez différentes. Oui, l'observation est assez différente et c'est vrai que les magnétars en général, oui, on a dit les pulsars, on connaît 3000. Et les magnétars, c'est plutôt une trentaine. Ouais, c'est ça. Vous faites parce que vous oui. avez écrit un papier, Ismaël Cognard, récemment, The Conversation, sur les magnétars. Oui, sur un magnétar qui a été trouvé à très très longue période. C'était le 14 février. Peut-être bien, Saint-Valentin, oui. Oui, c'était le magnétar de l'amour. Ouais. Effectivement, là, c'est vraiment un magnétar particulier parce qu'il a vraiment une période de rotation très très lente. Hein. Autant le pulsar quand il neige, j'ai dit quelques dizaines de tours. Si on le réaccélère, là, c'est des millisecondes et ils ont plein d'applications de physique fondamentale, ceux-là. Mais là, le magnétar, il fait un tour en 18 minutes. C'est extrêmement, extrêmement lent. Mais c'est peut-être pas surprenant parce que ce sont des objets qui sont compliqués à trouver. Trouver une périodicité de 18 minutes avec un radiotélescope sur Terre, c'est pas simple parce que dans un télescope, tout va varier à quelques dizaines de minutes. La température, les antennes qu'on oriente comme ci, comme ça. Donc c'est compliqué. En fait, c'est vraiment un instrument particulier. C'est un réseau d'antennes posé au sol qui ne bouge pas, qui fait des images. Et c'est en fait sur les images qu'ils ont vu. Ils font des images à cadence typiquement la seconde. Et ils voyaient que toutes les 18 minutes, donc 1000 secondes à peu près, vous aviez une source qui s'allumait. Mmh. On a évoqué ce mystérieux signal spatial, parce qu'on aime beaucoup trouver des mystérieux signaux dans l'espace. En général, ça revient toujours à un objet que l'on connaît. Mais justement, puisqu'on parlait de magnétar, bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, vous vouliez m'engager à faire un jeu de mots très douteux sur l'attraction magnétique que vous aviez sur le plateau de Saclay. Mais je vous le laisse. Oui, donc j'ai été magnétisé par le plateau de Saclay, comme tous les jours, comme tous les mois, comme toutes les semaines. Et vous y êtes retourné. Donc. Et j'y suis retourné, bien sûr, parce qu'on pense que les magnétars sont issus de certaines explosions particulièrement extrêmes, comme les supernovae superlumineuses ou les sursauts gamma, et qu'ils pourraient produire les sursauts radio rapides. Alors, afin de comprendre la formation de ces mystérieux magnétars, Jérôme Guillet, astrophysicien au CEA à l'Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers, l'IRFU, modélise leurs différents mécanismes physiques, comme la dynamo, pour mieux prédire l'intensité et la morphologie de leur champ magnétique. Je m'intéresse aux magnétars parce que c'est des objets qui sont très intrigants, parce qu'ils ont les champs magnétiques les plus puissants de l'univers. Donc c'est vraiment une question un peu fondamentale. Comment générer ces champs magnétiques les plus puissants? C'est quelque chose qui est une question encore très ouverte. Et c'est sur la question un peu centrale sur laquelle je m'attelle. L'autre raison pour laquelle les magnétars sont importants, en plus de cette question un peu fondamentale, c'est qu'ils ont des conséquences assez diverses qu'on essaye encore de comprendre. Il y a beaucoup d'hypothèses qui pourraient être liées à des explosions extrêmes, donc des supernovas qui sont 100 fois plus lumineuses que des supernovas normales, et ce qu'on appelle des sursauts gamma, donc l'émission de rayons gamma pendant quelques secondes ou quelques dizaines de secondes extrêmement intenses qui sont liées à la formation d'un jet relativiste, et ça pourrait être aussi lié à la formation d'un magnétar. Il y a aussi les sursauts radio rapides qui sont potentiellement, et même pour le coup, ça a été montré récemment que au moins une partie est liée à un magnétar. Donc il y a beaucoup de phénomènes comme ça un peu exotiques, découverts récemment, dont on pense qu'ils sont liés au magnétar et qui sont encore assez mystérieux. Et donc comprendre les magnétars, la formation des magnétars devient très important pour comprendre aussi tous ces phénomènes-là, tout ce bestiaire qui y est associé. Comment vous décortiquez finalement ces magnétars paramètre par paramètre pour après rassembler tout ça? Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu par exemple l'image qu'on a sous les yeux en ce moment? Oui, alors en fait la grande difficulté quand on essaie de décrire la formation d'un magnétar, c'est que ça va être sensible à des très petites échelles de longueur. Et en même temps, on a besoin de décrire l'ensemble du magnétar ou l'ensemble de l'explosion si on veut décrire le phénomène dans son ensemble. Et ça, avoir des échelles de longueur très différentes, c'est extrêmement difficile pour des calculs numériques. Et donc très souvent, on s'appuie sur différents calculs. Soit on essaie de décrire l'ensemble du phénomène, et là, il va nous manquer les petites échelles, il va nous manquer une partie de la physique. Et du coup, on va aussi faire des calculs centrés, par exemple, juste sur l'étoile à neutrons, qui ne décrit pas l'explosion, mais qui décrit l'amplification du champ magnétique dans l'étoile à neutrons. On va pouvoir vraiment étudier la physique de ce qu'on appelle donc une dynamo pour l'amplification du champ magnétique. Et même là, on aura du mal à décrire toutes les échelles qu'on souhaite. Et donc, on va aussi faire des modèles plus locaux qui vont décrire une petite partie de l'étoile à neutrons. Et on va pouvoir vraiment étudier la physique plus en détail dans les règles de l'art, on va dire. Alors, décrivez-moi maintenant un petit peu l'objet qu'on a sous les yeux, en version bien sûr réduite et en version modélisée. Et à quoi correspondent ces illustrations, ces infographies-là ? L'illustration décrit les différents types de calculs que je viens de décrire. On a depuis les plus grandes échelles où on va pouvoir décrire l'explosion avec des jets qui se développent le long de l'axe de rotation. Mm-hmm. Ces jets qui produisent l'explosion font une dimension de 1000 à 100 000 kilomètres. C'est assez grand. Bon, à l'échelle astronomique, c'est petit, mais pour nous, dans le problème qui nous occupe, c'est plutôt grand. Parce qu'après, quand on décrit l'étoile à neutrons, en fait, elle fait une étoile à neutrons froide, ça fait une dizaine de kilomètres. Là, c'est une étoile à neutrons en train de se former, qui est assez chaude, qui peut faire 50 kilomètres au départ. Bon, ça reste beaucoup plus petit que l'échelle des jets. Et après, quand on veut décrire vraiment la turbulence dans cette étoile à neutrons, on va faire des calculs qui vont faire la taille du kilomètre et même décrire l'échelle dissipative qui va être des longueurs beaucoup plus petites. Si on se concentre sur le phénomène de dynamo à l'échelle de l'étoile, est-ce que vous pourriez me décrire, parce que là on a plusieurs couleurs qui sont mobilisées, plusieurs types de mouvements, on sent aussi. Là, on a vraiment toute la complexité de cette dynamo, d'un magnétar à l'œuvre et représentée. Oui, alors en fait, ce qu'on voit, c'est les lignes de champ magnétique qui sont ici, qui s'enroulent en fait autour de l'axe de rotation et qui vont avoir une structure 3D complexe. Et représentées aussi sont des surfaces qui représentent la vitesse, en fait, les mouvements turbulents qui sont dus en fait à de la convection. Donc c'est un phénomène un peu similaire à quand on chauffe de l'eau par en dessous. L'eau chaude va remonter, l'eau froide va redescendre et on a dans une étoile à neutrons quelque chose de similaire et qui va pouvoir amplifier le champ magnétique. C'est vraiment l'interaction entre ces mouvements du fluide, qui est un fluide conducteur, et le champ magnétique qui va pouvoir amplifier le champ magnétique. À partir de ces modélisations-là, quels principaux résultats vous avez pu établir et voilà, quelles sont les études sur lesquelles vous travaillez en ce moment ensuite ? En fait, la question centrale, c'était est-ce que un phénomène comme la convection, donc une dynamo due à la convection, peut générer un champ magnétique similaire à celui qu'on déduit de l'observation des magnétars. Et donc, on a fait les premières simulations numériques de ce phénomène dans une étoile à neutrons et qui ont été très prometteurs dans le sens où ils ont vraiment montré que c'était possible d'avoir un champ magnétique comparable à condition d'avoir une rotation suffisamment rapide, en fait. Donc ça a été vraiment un résultat important qu'on a obtenu il y a 2 ans maintenant, ça a été publié il y a 2 ans. Et après, les étapes suivantes, c'est de... Alors d'une part, il y a d'autres phénomènes qu'on essaie de... qui pourraient potentiellement aussi expliquer. Donc il y a les magnétars, donc on essaie de distinguer lequel va être le plus efficace. Est-ce que ça peut être une combinaison de ces différents phénomènes ? Et une question importante, ça va être de définir quelle est la rotation nécessaire pour avoir un magnétar. Ça reste encore un peu incertain. Et c'est important pour savoir si on est vraiment capable d'expliquer tous les magnétars ou pas. Est-ce qu'on a suffisamment de rotation dans les étoiles ou pas, etc. Un autre but à long terme, au-delà d'expliquer ce champ magnétique des magnétars, ça va être aussi d'avoir une bonne modélisation des explosions associées aux magnétars, et donc en particulier de ces explosions extrêmes. Est-ce qu'on est capable de les expliquer et est-ce que on est capable de... Pour l'instant, ça reste incertain. Est-ce qu'il y a vraiment un magnétar au centre ? C'est une hypothèse. On n'a pas de preuve directe et on aimerait avoir des prédictions qui permettent de tester ce modèle. Et donc pour ça, c'est important à la fois d'avoir de meilleures observations, mais aussi de meilleures prédictions théoriques qui puissent dire, voilà, si vous observez ça, ça veut dire qu'il y aura un magnétar, etc. Voilà, cette modélisation de ces étranges objets, encore une fois, comme le disait tout à l'heure Ismaël Cognard, on en connaît quelques dizaines, mais guère plus. Une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Ismaël Cognard ? Ben c'est de la physique extrêmement extrêmement compliquée. Rappelons que les pulsars ont été détectés il y a plus de 60 ans. Les étoiles à neutrons sont connues depuis 1934 et on n'a toujours pas encore de consensus parmi tous les scientifiques sur tout un tas de phénomènes clés qui les expliquent. Michael Hertel. Oui, je pense que c'est beaucoup de progrès qui ont été faits aussi récemment sur cette modélisation du champ magnétique qui au moins arrive à expliquer Oui, cette possibilité pour produire ce champ magnétique intense des magnétars. Reste à voir d'avoir l'image physique complète. Mais il a bien expliqué pourquoi c'était compliqué. Voilà, pourquoi c'est effectivement très difficile. Alors, il y a plusieurs choses à propos de ces magnétars. Je pense notamment ce qu'on peut rappeler, c'est que ces objets, et plus les pulsars que les magnétars, sont aujourd'hui, et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Ismaël Cognard, extrêmement utiles pour un tas d'applications de physique ou d'astrophysique, et notamment pour vérifier la théorie de la relativité générale ou pour servir de boussole et d'horloge cosmique. Enfin, vraiment, on se sert de ces objets manière très précise. Et les pulsars qui ont été recyclés, ceux où Dame Nature a fait du recyclage. Les pulsars millisecondes. Les pulsars millisecondes, ces objets, comme ils sont vieux, ils ont un champ magnétique qui est faible, donc ils ralentissent peu et ils sont extrêmement stables. Et il y a certains des objets dont on ne détecte pas de stabilité. Ça veut dire qu'ils sont aussi stables que les meilleures horloges qu'on soit capable de faire sur Terre. Et quand ces objets-là sont dans des systèmes compacts, c'est-à-dire que vous avez deux étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre en quelques heures, et dont l'une est évidemment un pulsar que l'on détecte, on est capable de tracer très précisément le mouvement que fait ce pulsar autour du centre de masse commun des deux objets. Et alors, on va détecter un mouvement keplérien, hein, les lois de Kepler, donc 5 paramètres, ça suffit. Mais on voit aussi des effets relativistes dus au fait que les objets sont compacts, que le système est serré. Et là, vous avez des ellipses qui rapetissent petit à petit, qui tournent sur le plan du ciel. Vous avez ce genre de choses. Ou alors, quand le pulsar passe derrière le compagnon, vous voyez des effets en plus. Et tous ces phénomènes-là, ça permet de lever une ambiguïté qu'il y a sur la détermination des masses. Par exemple, du fait qu'on a une projection sur le plan du ciel, en quelque sorte, il vous manque deux paramètres qui peuvent être vus comme étant les deux masses des deux étoiles. Et dès que vous avez un paramètre, vous avez un effet relativiste en plus, et puis un deuxième, vous pouvez déterminer les deux masses. Et puis si vous en avez un troisième, vous avez trois équations pour deux inconnues, vous commencez à regarder si vos équations tiennent la route, et c'est comme ça qu'on teste la relativité générale. On teste la relativité générale parce qu'on a plus de deux effets relativistes dans des systèmes binaires, compacts. Voilà. Il faut rappeler que, évidemment, comme on a défini ces étoiles à neutrons comme étant des objets extrêmement denses, comme tout objet extrêmement dense, ils ont une vertu pour l'observation de l'espace, c'est qu'ils peuvent servir de lentilles gravitationnelles. Michael Hertel. Oui, surtout, je pense qu'il faut rappeler que les étoiles à neutrons sont aussi de très très bonnes sources d'ondes gravitationnelles. Mmh. Et pour un peu rebondir sur ce que vient de dire Ismaël Cognard, il y a un autre test un peu de la théorie de la gravitation qu'on peut faire avec les étoiles à neutrons, qui a été fait avec la première détection en fait d'ondes gravitationnelles d'une fusion de deux étoiles à neutrons, où on a observé aussi bien l'onde gravitationnelle de la fusion et un signal électromagnétique associé. Et avec la distance vers cet événement et les temps d'arrivée du signal en onde gravitationnelle et du signal électromagnétique associé, on a pu voir que la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles était quasiment égale à la vitesse de la lumière, ce qui est aussi un très très bon test pour la théorie de la relativité, de la gravitation. Et oui, peut-être deuxième point à rajouter, c'est que là, c'était une détection directe d'ondes gravitationnelles d'une fusion d'étoiles à neutrons, mais en fait, des systèmes binaires d'étoiles à neutrons ont servi déjà bien avant comme indication indirecte d'émission d'ondes gravitationnelles avec l'observation du pulsar de Halsey Taylor qui a été découvert en 1974 et après aussi le double pulsar. On a observé très précisément donc le changement de l'orbite des deux étoiles dû à l'émission d'ondes gravitationnelles. Et les mesures sont en très très bon accord avec la prédiction de la relativité générale. Ismaël Cognard, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, on pourrait rajouter qu'il y a même des objets un petit peu plus exceptionnels encore, où vous avez une étoile à neutrons en rotation avec une naine blanche, et ces deux-là sont en rotation plus large avec une autre naine blanche, et là on va tester l'universalité de la chute libre. De la même façon que Galilée, paraît-il, a balancé un marteau et une plume du haut de la tour de Pise, là on a une étoile à neutrons et une naine blanche, qui sont de composition différente, qui tombent dans le champ gravitationnel d'une troisième naine blanche. Et ça, c'est des résultats, les meilleurs résultats ont été obtenus récemment par une équipe française à l'observatoire de Meudon, et avec des données de Nancy. Et ça marche parfaitement à 10, quelques 10 moins 6. Mmh. Il y a l'équivalence des deux masses inertielles et gravifiques à quelques 10 moins 6. Dont on parlait à ce micro il y a très peu de temps. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Michael Hertel? Non. L'autre chose qui est intéressante, c'est que donc pour poursuivre sur les ondes gravitationnelles, vous vous souvenez certainement que on a détecté les ondes gravitationnelles LIGO et Virgo à partir de la coalescence de deux trous noirs quelques années après, grâce à la coalescence ou en tout cas la fusion de deux étoiles à neutrons. Et maintenant, on commence à avoir toute une zoologie de différents types de fusions et de différents types d'ondes gravitationnelles qui permettent, comme vous le disiez, Michael Hertel, de faire de l'astronomie multimessager, c'est-à-dire de recevoir d'abord les ondes gravitationnelles et puis d'un seul coup de pouvoir pointer pour ensuite percevoir les autres messagers et les autres transmissions sur différentes longueurs d'onde en rayon gamma ou en radio. Je crois qu'il y a eu deux nouvelles détections le 5 et 15 janvier 2020. Et surtout, quel est l'intérêt aujourd'hui, Ismaël Cognard, d'avoir finalement toutes ces différentes configurations deux trous noirs, une étoile à neutrons, une étoile à neutrons, un trou noir, deux étoiles à neutrons? Au départ, Virgo, LIGO, ces instruments qui détectent les ondes gravitationnelles, on espérait bien détecter des coalescences de étoiles, neutrons, étoiles, neutrons. C'est venu au bout de quelques années, après avoir un peu par surprise d'abord trouvé des fusions de trous noirs. Et là, on a une étoile à neutrons qui vient s'écraser sur un trou noir. Et dans ma communauté radio, ça fait longtemps qu'on cherche un pulsar qui soit non pas en orbite autour d'une naine blanche ou un peu mieux une étoile à neutrons, mais l'un pulsar. Et ça, on n'a toujours pas. Mais on sait que ça existe parce qu'il y en a deux qui viennent de fusionner à un milliard d'années-lumière d'ici. Très loin. Ce qu'on sait aussi, et ce qu'on a oublié de dire à propos des étoiles à neutrons, c'est que les étoiles à neutrons étant elles-mêmes déjà très denses, il peut arriver par coalescence que deux étoiles à neutrons augmentent le niveau de densité pour former un trou noir. C'est possible ça, Michael Hertel? Alors, effectivement, quand les étoiles à neutrons, elles ont une masse maximale. Donc, on avait dit dans les étoiles, en séquence principale, c'était un peu la source d'énergie, la nucléosynthèse stellaire contre la gravitation. Et dans des étoiles à neutrons, c'est l'interaction nucléaire, la force nucléaire contre la gravitation. Mais si on rajoute de la masse, à un moment, même la force nucléaire ne peut plus supporter la gravitation. Et dans ce cas, l'étoile s'effondre. Selon les modèles, cette masse maximale, elle est quelque part entre 2 et 3 masses solaires. Mais si on a une fusion de deux étoiles à neutrons, on est très probablement au-delà de cette masse maximale. Ça veut dire, après une fusion d'étoiles à neutrons, on peut avoir temporairement un objet métastable en très forte rotation qui est tenu encore par la rotation, l'énergie rotationnelle, mais qui ralentit et donc s'effondre à un moment en trou noir. Ça, c'est le destin, disons, standard d'une fusion de deux étoiles à neutrons. Mais ça c'est un destin théorique. Et ça, pour le moment, ces choses-là, on les a, par exemple, sur les ondes gravitationnelles et sur la fusion de deux étoiles à neutrons, on sait, on peut savoir ce que ça a donné, ou c'est encore, pour le moment, totalement théorique? Alors, pour le premier événement de fusion de deux étoiles à neutrons, l'événement GW170817, qu'on a observé, la fusion des deux étoiles à neutrons en onde gravitationnelle. Ça, c'était le premier en août 2017, puisque c'est 0817. Oui, où le signal en onde gravitationnelle s'arrête très peu de temps avant la fusion. Et on a ensuite le signal en électromagnétique, un sursaut gamma, qui arrive un peu de temps après. Donc l'image, c'est ce sursaut gamma, il est produit par un jet lors de l'effondrement de l'objet métastable en trou noir après la fusion des deux étoiles à neutrons. Oui, exact. Alors, Ismaël Cognard qui fait un petit geste comme ça, c'est au moment où ça s'effondre, il y a une projection d'énergie au niveau des pôles. Exactement. Donc, on peut interpréter ça comme une forte indication, l'observation de ce sursaut gamma avec, ensemble avec la fusion des étoiles à neutrons, que là, effectivement, on a produit un trou noir derrière. Ouais. Un mot sur cette bascule ou sur ces différents événements de fusion d'étoiles à neutrons, Ismaël Cognard, pour compléter ce qui vient d'être dit. Non, je ne sais pas. Excusez-moi, pas particulièrement. Un dernier mot, peut-être pour conclure, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission. Aujourd'hui, donc, on a les signaux radio, on a les éruptions de rayons gamma et les sursauts magnétiques qui peuvent d'ailleurs être très très violents. Je pensais à une éruption SGR 180620 qui était du 27 décembre 2004, qui était équivalente, où on a capté, je parle sous votre contrôle évidemment, Michaela Hörtel, en 1/5 de seconde une énergie équivalente à 250 000 ans de soleil. Ça, c'était sur un magnétar, ouais, je crois. Oui, c'est possible. Voilà. Bon. En tout cas, c'est des événements très, très, très, très, très énergétiques. Et heureusement que ça se passe assez loin de nous parce que ça nous ferait pas du bien. Ça déforme un peu l'ionosphère, je crois. Ouais. C'est ça, ouais, complètement. Aujourd'hui, quels sont les moyens à venir qui nous permettraient, d'avoir d'autres perceptions, peut-être d'autres images, d'autres indications plus précises sur ces objets, qu'il s'agisse d'étoiles à neutrons pulsars ou de magnétars? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses dans les tuyaux qui nous permettraient de s'en approcher un peu plus ou de les comprendre un peu mieux, Ismaël Cognard? Alors, vous avez des grands instruments radio qui vont être construits. Il y a le SCA, Square Kilometer Array, qui va être construit en Australie et en Afrique du Sud. Et là, effectivement, on imagine que, par exemple, le Graal pulsar autour d'un trou noir ne va pas nous échapper. Voilà, donc on va mieux connaître toute l'aspect radio parce qu'on parle de pratiquement faire... Le catalogue de tous les pulsars qui ont le bon goût d'émettre vers nous, tous les pulsars de notre galaxie. Oui. Ouais. Michaël Hörtel. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui est ondes gravitationnelles. Aussi, les détecteurs, ils sont en forte, évolution et développement. Donc, les versions avancées de LIGO Virgo qui vont normalement commencer... À faire la première relevée. À faire d'autres runs. Ça devrait beaucoup augmenter la précision. On devrait détecter beaucoup plus d'événements et augmenter beaucoup la précision. Et il faut dire aussi qu'on a des instruments en rayon X si on s'intéresse à la structure interne des étoiles à neutrons. Donc là, le NICER qui était installé sur la station spatiale. Spatiale internationale. Il a aussi emmené beaucoup de progrès avec la première mesure simultanée de masse et rayon d'une même étoile, ce qui n'était pas possible avant. Il y a d'autres projets aussi en rayon X qui sont en cours pour améliorer la précision là-dessus. Et en attendant, LISA, le détecteur d'ondes gravitationnelles qu'on enverra en orbite, mais c'est pas pour tout de suite. Merci beaucoup en attendant, merci à tous les deux. Merci Michaël Hörtel, merci Ismaël Cognard d'être venu nous parler des étoiles à neutrons. La méthode scientifique, c'est Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Natacha Triou, Céline Lezen, Olivier Bétard à la réalisation, Ludovic Auger la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, en réécoute sur le site franceculture.fr et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.